Salut, vous vous portez bien les schizos? Ouais, fatigué un peu, mais ça va. Enrhumé. C'est Schizo, pas de numéro 7. Au micro, Christian Jodoin. Salut. Marc Latrémouille. Allô? Marc Jodoin. Ah! Hey, on vous souhaite la bienvenue dans l'antre du n'importe quoi, où on y trouve de tout, même des obèses. Ouais, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en direct du sommet d'une grosse montagne de sucre. Pourquoi t'as voulu qu'on aille sur le sommet d'une montagne de sucre? Ben, je trouve qu'il en parle pas mal dernièrement. Puis, je suis papa. Oui. Puis, c'est un peu fatigant. Il en parle dernièrement où? Je n'en ai même pas entendu parler, moi. Ben, je sais qu'il en a parlé à Deux Hommes en Or. Mon ex m'en a parlé dernièrement. Toi, tu m'en as parlé il y a 2 ans et demi. dans quelques années, le sucre va être considéré comme on considère le tabac aujourd'hui. Exactement, c'est ce que j'ai entendu aussi. C'est aussi bon, ok, ouais. Parfait. Ben, si j'ai entendu moi-même. Non, mais gars, c'est mon ex qui a dit ça à mes enfants. Fait que mes enfants m'ont dit on ne veut plus de dessert la semaine. Puis si tu fais, s'il y a du dessert, c'est toi qui le fais parce que j'achète du sucre, tu sais, qui est pas pire, tu sais. Du stevia comme genre, style. Je sais pas c'est quoi le nom, mais c'est du sucre qui est bon, tu sais. Attends une minute. Fais-moi croire que tes enfants t'ont vraiment dit on veut plus de dessert. Je te jure. Là, Véro me textait ça. Qu'est-ce qu'elle leur a dit, Véro, Calvaire? Ben, elle dit que c'était pire que la cigarette. Non, c'est pas tout à fait vrai. Non, mais de toute façon, est-ce que le sucre est devenu pire que ce que le sucre était quand on était jeune? Je pense que pire, non, mais je pense qu'il y en a encore plus qu'avant. Il y en a partout dans tout ce qu'on mange. Mais c'était pas ça avant? Non, pas tant que ça. Ouais, mais aujourd'hui, maintenant... tout est sucré pour pouvoir que le consommateur puisse apprécier le goût, donc racheter le produit. Donc, on met du sucre dans absolument tout et en très grande quantité. Check dans le ketchup. Sauf que maintenant, je trouve aussi qu'on peut mieux se nourrir qu'avant. C'est vrai. Je pense pas, moi. Ben, il y a plein de magasins santé, il y a plein d'affaires sucre de canne. Ben, c'est du gang cher, ouais. Ben, moi, j'achète souvent comme ça. J'achète souvent... Mais c'est vrai, tu vas peut-être mourir avant moi, par exemple. Non, mais les épiceries... Moi, je te regarde. Non, mais c'est vrai, les épiceries, maintenant, il n'y avait pas ça. Même à mon Maxi, il n'y avait pas ça il y a quelques années. Il y a une allée bio, maintenant. Puis les produits naturels, ça n'existait même pas avant. Non, c'est ça. J'achète... c'est sûr, ça coûte super cher. Mais tu sais, j'achète des Rice Krispies sans sucre, sans gluten. Sans... Oui, okay. Oui, puis les enfants, ils aiment ça. Il faut que tu leur... essaies des sans choses. Sans gluten, moi, je pense tellement que c'est de la foutaise. Plus de boîte à boire non plus. Excusez-moi de ce qui va arriver. Excusez-moi de ce qui va arriver, mais Christian aime ça, le naturel, alors... Ouais, Marc Latrémoy est arrivé plein de morve. Plein de Kleenex. Je pensais qu'elle allait soit pleurer, soit se crasser, mais non, c'est mouché. Parce que depuis une semaine, je suis très morveux. Ben là, beaucoup moins qu'avant. Non, mais le sucre, c'est pas tout qu'on avait parlé à un moment donné. Le sucre, c'est extrêmement mauvais pour la santé. Ça nourrit le cancer. Quand tu as le cancer, tu consommes du sucre, ça va augmenter la vitesse de la. Ça va réénergiser le cancer, parce que le cancer se nourrit notamment de sucre. Ouais. Ça fait des gros tas de marde aussi. Mais j'ai appris aussi que ça mangeait le muscle, ça tuait du muscle pour ceux qui s'entraînent physiquement là, dans les gyms. Le sucre, c'est très mauvais. Moi, je pense que le sucre, c'est pas si mauvais que ça, mais c'est juste que, comme dans toute chose aujourd'hui, c'est dans l'abus total, parce que comme il y en a partout. Ben, on en subit les conséquences aujourd'hui. Ouais. Parce que ça doit pas être si mauvais que ça, du sucre, de temps en temps. Quand les grands-mères faisaient des tartes aux pommes, là, ils mettaient du sucre là-dedans. Ça, c'est le même sucre raffiné, sûrement, hein? Je sais pas. Ben, probablement que c'est le même sucre raffiné. C'est du sucre raffiné. Il n'y a pas d'additif là-dedans, il n'y a pas de colorant. C'est comme tu dis, dans la tarte aux pommes, c'est correct, on en mangeait, mais c'était pas, comme, par exemple, dans les conserves, dans les. Il n'y en avait pas autant qu'avant. À ce temps, il y en a partout. Comme non, parce que là, tu vas acheter de la pâte pour ta tarte aux pommes qui va avoir du sucre dedans. Tu vas acheter des pommes en canne, il va avoir du sucre ajouté dedans. Tu vas acheter du beurre, il va avoir du sucre dedans. Il va y avoir 10 fois plus de sucre dans ta tarte aux pommes. T'sais. Même dans l'eau, bientôt, ils vont mettre du sucre. Non, ils vont mettre du fluor. Là. Non, moi, j'avais pas le goût de partir de quoi de même puis qu'on parle à travers notre chapeau. Là. Fait que tout juste avant l'enregistrement, j'ai rencontré un dentiste américain, pour être un peu plus sérieux. Là, puis je lui ai posé quelques questions à propos de notre propos. Là. Puis je vais mettre l'extrait. Ben, voici ce que ça a donné. Hello, sir. So, you're a dentist? Yes. Okay, is it true what we say about the sugar? No. Fait que ça a été l'entrevue. Bon, c'est sûr que j'ai été obligé de faire un petit montage, là, parce que, bon, on a parlé longtemps, puis il y avait des affaires plus ou moins cohérentes puis pertinentes. Fait que ça a donné ça. Fait que selon le dentiste, lui, le sucre, ben, c'est pas trop dommageable. Bon, je sais pas si ça a rapport avec ce qu'il fait dans vie, là, mais... OK, quiz! Non. Ben, c'est ça. Fait qu'on va revenir à ça. Présentement, on est sur le sommet d'une... Ouh! On risque peut-être de glisser. Personne n'a amené leur crazy carpet. Je les ai jetés l'été dernier. C'est fou, hein? Ouais. Je m'en servais absolument jamais. Ça faisait 10 ans, mais on n'était pas servi. Puis d'un coup, c'est hiver, ma blonde a dit... So, no crazy carpet! Je disais, ça fait 10 ans qu'on s'en sert plus. Je disais, j'en voulais. C'est tellement classique des gens. On dirait qu'on le voit. Pour ça, c'est hallucinant. En tout cas, t'aurais pu ce soir même. Si tu les aurais pas jetés, t'aurais jamais dit ça. C'est vrai. Glisser sur une montagne de sucre. Oui. Ouais, mais avant, c'est ça. Là, on est sur une montagne de sucre. Puis, faut pas oublier qu'il y a deux semaines, on était dans la chambre d'hôpital de Charles Manson. Puis, je vais juste faire un retour rapidement, là, parce que je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui se disent, ouais, ben là, Chris, comment ça s'est terminé? Fait que voici comment ça s'est terminé, hein. On se rappelle, on était en direct de la chambre d'hôpital de Charles Manson. Je sais pas si vous vous rappelez, les gars, mais on a eu chaud, hein. Oh, que oui. On a eu la peur de notre vie. Ouais. Ben, voici ce qui s'est passé. Après l'enregistrement, le nabo satanique s'est redressé, il s'est mis debout sur son lit, nu comme un ver, dans une position de domination. Là, Charles, il nous a regardé droit dans les yeux, tous les trois en même temps, là, avec un de ses regards, mes amis, là, celui d'un vrai et puissant gourou. Réel pis sa toque pouvait aller se rhabiller. Mon frère pis moi, on était charmés, envoûtés. Mais la trémouille, lui, ce qu'il nous a dit, c'est que il a été déconcentré par l'entrejambe ratatinée du diablotin. N'étant point possédé par le lutin du mal, la trémouille a eu la brillante idée de lui lire une de ses chroniques, ce qui a eu pour effet d'endormir le vilain farfadet, libérant ainsi mon frère et moi de son emprise. La trémouille, merci beaucoup. Il nous a sauvé la vie grâce à une chronique. Des chroniques. Fait que justement, vas-y donc, on te laisse la parole. Oh mon Dieu. Non, mais c'est parce que avec mon marasme, c'est vraiment drôle. Tu parles de Charlie ou de moi? Parce que... Ben, tu veux parler des marasmes ou... Comme tu veux. Bon, on va faire orgasme et marasme. Ce qui nous a dégoûté et fait allumer ces deux dernières semaines. Orgasme et marasme de Monsieur Latrémouille. Écoute, je vais passer mon orgasme parce que c'est assez vite. Après ça, j'irai dans mon marasme. Mon orgasme de cette semaine, c'est l'Union cycliste internationale, UCI. Pourquoi? Parce que, justement, la saison cycliste va recommencer. Yahoo! Avec le Tour Down Under qui est en rendu à sa quatrième journée aujourd'hui. Répète moins vite, l'Union... Cycliste internationale, l'UCI, ceux qui chapeautent le Tour de France, le Tour d'Italie... Okay. Lucémiques qui font du vélo? Pourquoi? Ben, t'as pas dit l'association Lucémique? UCI. Oui! L'UCI, c'est l'acronyme de l'Union cycliste internationale. Ok. C'était mon orgasme. Donc après sept... Hein? C'était ton orgasme? That's it. Ben, c'était quoi? La saison vélo a commencé. Ah, ok. Donc, cher auditeur, on peut savoir, comment je peux te dire, Chris? On sait tous maintenant que Marc Latrémouille aime beaucoup les vélos. Les vélos. Ouais, mon marin. Ça roule. C'est un peu un lien avec ce que tu as dit sur Charlie Manson, que je l'endormais avec une chronique. Mon marin, c'est contre quelqu'un que j'aime bien, qui, quand il parle de ses thèmes à chaque podcast, je tombe en déficit d'attention. Un peu comme toi, Christian, quand tu parles de musique, moi, j'ai un déficit d'attention total. J'ai dit qu'il parle dans un podcast qui s'appelle Le Schizopode, et j'ai nommé M. Marc Latrémouille. Youhou, c'est pas moi! Après avoir varlopé les frères Jodoin dans mon marasme il y a un mois, c'est au tour du troisième membre de ce trio de Joyeux Lurons de se faire discréditer par moi. Il y a quelques temps, tu sais, c'était le tombeau de Saint-Pierre qui m'a fait partir d'un vapeur. Puis la dernière fois, c'était sur les sacres, quand, et surtout, il parlait de l'époque de la Révolution française, qui était un État laïque, peut-être, patata. Bon, c'était ronflant. T'as duré deux minutes, Esti. Je sais, mais à réécouter, là, je suis vraiment tombé ailleurs. J'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? À chaque fois que j'écris une chronique, que j'écris vraiment, j'ai l'impression que c'est lu, c'est pas vécu. Donc, à partir d'aujourd'hui, je lui ai suggéré de parler comme s'il parlait à un enfant de 8 ans. Bonne idée. Ah, ben, Nico, calique. Donc, moi, cette semaine. Moi, je te dis juste de parler moins vite. Ah, ça se peut. Non, mais je sais pas si tu parles moins vite, par contre, ça va être plus long. Je trouve pas qu'il parle. C'est peut-être pas un plus. Mais non, non. Ah, ouais, toi, tu parles qui parle. Je trouve pas qu'il parle si vite que ça. Moi, je suis quelqu'un qui parle vite en partant. Non, mais la raison pour laquelle je dis que je veux que tu parles moins vite, c'est parce que je veux qu'on comprenne ce que tu dis. Ouais, j'avoue qu'avec l'UCMIC puis l'UCI, c'est vrai qu'on me comprend pas. Ah, mais, juste revenir sur Charlie Manson, il me semble que j'ai été voir par après des photos de lui. Est-ce que j'hallucine ou il s'est-tu marié? Oui, il s'est marié. Quand il est... Avec une femme. Une jeune, en plus. Une petite. Plus non, petite mais... que lui. OK, une jeune. Une jeune. Ouais, une petite fille, j'allais dire une petite fille, mais c'est pas une petite fille, mais c'est une jeune. Là. Il faisait la file pour la marier. Ouais, elle est sûre. C'est un symbole. Les malades en prison, ils ont plus, ils pognent plus que du monde qui sort d'un bar. Ils ont des fans, ils reçoivent des lettres. Puis. Fait que si vous voulez pogner, tuez des gens. Bonne idée. Ben, bravo, Marc Latrémouille. Hein, c'est ton marasme, une belle preuve de d'humilité et de modestie. Ben oui, hein. Marc Jaudoin? Je vais commencer par mon orgasme qui va être bref. Hier, j'avais mal au dos, je peux aller travailler, donc j'ai décidé d'aller au Valet de cœur. J'étais un gros fan de jeux de société, comme vous devez peut-être le savoir pour nos chers auditeurs. Mémoire 44! Ouais, Mémoire 44. Puis moi, j'étais allé m'acheter hier l'extension Standalone, autrement dit, l'extension ou le jeu qui peut jouer tout seul de Dead of Winter, la nuit la plus longue en français, qui est un jeu de survie, de zombies, semi-coopératif, qui est génial, très thématique, très profond. Beaucoup de questions éthiques qui peuvent se mettre de la partie. Bref, j'ai été acheter le jeu et c'était mon orgasme parce que ça a l'air jouissif. Puis j'ai hâte de jouer, puis je vais peut-être même jouer demain, samedi. Mon marasme, ça revenant du valet de cœur, je prends le métro. Ça a toujours régné, ces orgasmes, c'est marasme. Je prends le métro, je débarque au métro Jarry, je suis en train d'écouter de la musique, j'ai la tête ailleurs. Puis là, je monte les marches, puis j'arrive au niveau des guichets. Puis qu'est-ce que je vous dis pas? Un policier. Non! Deux policiers! Non! Trois policiers! Il était genre 7-8. Policiers? Des gens qui se prenaient pour les policiers. Les gardes de la STM. OK, OK. Qui sont habillés comme des espèces de Death Squad en noir, là. Tu sais, comme les espèces de policiers, le Power Trip, qui fait ces gens habillés tout en espèces de tueurs tout en noir, là, avec leurs boucliers, tout ça. Ouais, ben, ouais. Ils sont tous là, puis ils sont en train de vérifier nos cartes opus. Ouais. Là, je me suis dit, bon, je le regardais avec une petite face de beurre, j'ai donné ma crise de carte opus, j'y ai pas dit salut, j'ai quitté, ça m'a fait réfléchir. C'est quoi le salaire moyen de quelqu'un qui prend le métro? Tabarnak! Probablement en bas de 50 000 piastres. C'est quoi le salaire moyen des astis d'enfants de chiennes de dirigeants de la STM? Probablement en haut de 100 000 piastres. Ils vont-tu arrêter de nous faire chier puis de vérifier nos putains de cartes alors qu'on a... peu de moyens, on utilise un transport en commun puis il y a des astis de goons attardés qui viennent vérifier si on les a pas fourrés alors que ceux qui contrôlent puis qui dirigent ça nous font profondément fuck you! Merci. T'as-tu une solution? Pour ceux qui... Genre... La pandémie, la fin du monde, j'en ai marre, je trouve que les gens sont trop caves. Ben, je te l'ai dit tantôt pourquoi ils étaient là, hein. C'est parce qu'ils savaient que t'arrivais, ouais, ils voulaient juste t'écœurer. C'était pas des flics, je trouvais ça juste pathétique de surveiller les gens. Il y avait une vieille à côté de moi, man, je te jure, quand elle a monté les escaliers, puis elle les a vus, parce qu'ils sont assez imposants. Leur présence est très agressante, t'es vu, t'as peur, c'est épeurant. Ils mesurent tous 7 pieds, ils sont tous habillés en noir, ils sont épeurants, puis ils viennent juste vérifier ta crise de carte opus, bordel. OK, mais Marc... Ils sont payés combien? Marc Jaudoin, t'sais, c'est sûr qu'il y a du monde qui se pogne des cartes en fraudant ou en s'écoltant, je sais pas trop quoi. Les gens, ils se plaignent des pannes du métro. Donc, les dirigeants du métro, je sais pas trop quoi, ils veulent pas perdre d'argent. Donc, faut trouver ceux qui leur voient de l'argent quelque part. Faut un moment donné, il va falloir trouver une solution. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, couper dans leur salaire, ça l'aiderait énormément. Ben, peut-être. Pas peut-être, ça l'aide. Parce que je pense pas que faire chier les usagers, qui sont la plupart des gens probablement honnêtes, mais comment les vérifier comme si on était dans un pays totalitaire, je trouve ça intense. C'est la deuxième fois que je me fais faire ça dans le métro. Puis honnêtement, je trouve ça injuste, je trouve ça agressant, je trouve ça complètement non pertinent. Puis l'argent qu'ils économisent en payant des fraudeurs, c'est quoi par mois? 50$, Chris? Mais fuck you! Pourquoi comme un pays totalitaire? Je vois pas le lien, là. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est quoi cette liberté-là? Où est-ce que je sors du métro, j'ai payé ma carte puce, j'ai joué 7-8 goons habillés en espèce de soldats qui vont vérifier ma carte? Mais c'est comme Marc a dit, il y a peut-être... Comme Christian a dit, il y a peut-être de la fraude, justement. C'est peut-être des fausses cartes. Oui, je sais, mais si on pogne juste un dirigeant qui fraude, on va économiser probablement pour les trois prochaines années. En fait, c'est leur façon de faire qui te déplaît énormément. T'aimerais mieux que ce serait de manière plus délicate. Puis encore une fois, ils vont s'attaquer à des usagers. Qui t'accueillent avec un sourire et des beignes. Ou bien, tu sais, ils peuvent... Ils faisaient pas ça avant, là. Ils faisaient pas ça avant. Non, mais... Je sais pas, je prends jamais le métro. Ben, avant, ils faisaient pas ça. Cette méthode-là, c'est récent. Je sais. Ça doit dater de 4-5 ans maximum. Bref, depuis 2012, on dirait. Oui, ils faisaient pas parce que là, c'est une carte rechargeable. Probablement tout le monde fraude, j'imagine. Alors qu'avant, la carte mensuelle, il y avait pas besoin de checker ça. OK, mais la carte opus, ça date depuis quand? 2012, à peu près? Non, c'est avant ça. C'est avant? Mais ça fait pas longtemps qu'ils commencent à surveiller les gens de manière assidue. Puis des fois, là, c'était pas l'heure de pointe, mais l'avant-dernière fois, c'était pendant l'heure de pointe. C'est tellement bright, ça, là, l'heure de pointe. Là, tu sais, genre, stopper tout le monde, vérifier leur carte opus pendant l'heure de pointe. Fuck you! OK, on change de sujet, mon frère, assez chialé. C'est mon orgasme. Donc, mon orgasme. Tantôt, Marc Letremoy, il est arrivé chez nous, il a morve au nez. Ouais. Puis, y a-tu quelque chose de plate, d'aussi plate que d'avoir la morve au nez? C'est la saison, là, hein? Ça, c'est gossant, là. Tu veux que ça sorte dans ta douche. Tu te promènes dans la rue, merde, t'as pas de Kleenex. Tu fais d'une narine, là, ça sort. Puis là, qu'est-ce qui arrive quand tu te mouches pas? Puis là, tu te couches. Puis là, tu morves. Ben là, ça s'en va où? Ça s'en va dans la gorge. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Ben ça force le... tu vas te mettre à tousser. Hein? C'est sûr et certain, quand tu t'occupes pas de ta morve, ben, monnaie, tu vas tousser, puis ça l'empire. Attends, tu parles de ton orgasme, là? Oui, attends, parce que j'ai la solution à ça. J'ai la solution. Il faut trouver un moyen de nettoyer cette mucosité, la faire disparaître. Bon, est-ce que vous connaissez le sinus rinse? Non. Mais je sens qu'on va y connaître. C'est-tu genre trivain, ça? Sinus rinse, là, c'est magique. C'est une bouteille que tu remplis. Ça vient avec des petites portions de sel, genre. C'est une demi-cuillère à thé que tu mets dans leur bouteille. Tu rajoutes de l'eau. Puis là, après, tu mets la bouteille sur une narine, tu pèses, puis là, le liquide va tout venir nettoyer puis va sortir par l'autre narine. Mais toi, c'est juste la petite bouteille, là. Ouais. Toi, mais moi, c'est vraiment, ça sort de l'autre côté. Comment ça fait pour sortir de l'autre oreille? Parce qu'il y a des cavités, il y a un tunnel. La paroi est élevée, là. Ça sort pas par la gorge, aussi? Non, mais ça sort un peu par la gorge. Puis quand ça sort par la gorge, c'est encore mieux. Je dis, ça vient tout nettoyer. Ça fait 2 ans que je fais ça. Puis à chaque fois que j'ai un début de rhume, je fais ça 2, 3, 4 fois. Je sens que ça vient nettoyer, puis ça part tout seul. Toi, t'es-tu genre, quand tu te pisses à la main, t'as liche? Non, pourquoi? Je sais pas. Je vais sentir, mais j'ai pas besoin de chier. Non, mais je conseille à tout le monde. C'est comme tu dis, quand tu sens que ça va te nettoyer la gorge, là, parce que quand la morve, la mucosité, ça est déjà rendue au niveau de la gorge, puis tu sens que le liquide salé vient le nettoyer, ben t'es dans... Si mouche-toi avant de te coucher, ça va être mieux, non? Non, c'est pas assez, ça, juste se moucher. Ça s'appelle comment, ça, encore? Sinus rinse. Sinus rinse. Ben, peut-être j'utilise quand justement je vois qu'il y a quelque chose... Tu pognes ça en pharmacie, c'est génial. Eh bien, attends une minute, continue là-dessus, des trucs que tu te mets dans le nez. Moi, justement, je suis malade, puis en plus, c'est hyper sec chez nous, puis j'arrête pas de me moucher, puis j'ai le nez qui devient vraiment hyper sec, puis vraiment dégueulasse. Fait que j'ai été faire une recherche sur le web pour voir quoi faire, c'est quoi la solution pour les nez qui sont secs. Ouais. Et puis là, il y a une solution que ça s'appelle, tu mets ça dans le nez, puis ça s'appelle pour les nez croûtés. C'est vraiment dégueulasse. Oui, pour les nez croûtés, tu te mets un genre de gel, ouais, ça ouais, décroûte. Ouais. C'est quoi le nom en anglais? Comment ils appellent ça en anglais? Crusty nose. Okay. Mais c'est drôle parce que j'en avais un dernièrement, mais je pense pas que ça s'appelle pas Rusty. Non, mais... Ma blonde, elle m'en a passé un petit gel parce que j'avais le nez sec. Ben moi, ouais, ben, non, mais c'est le nom pour nez croûté. C'est pas ça, ma collègue. Ouais, mais c'est pas juste quand tu te mouches, justement. Moi, je me mets du lipstick Non. Du lipstick dans le nez. C'est quand tu te mouches, là, puis c'est rouge puis sec, c'est là. Mais, en dessous du nez, en dessous des narines, mais tu te mets un peu de lipstick. Pour les lèvres gercées, ça fonctionne. Mais c'est plus que ça. C'est vraiment à l'intérieur. Ils se forment comme des gales, du sang, puis ça saigne, puis c'est dégueulasse. C'est croûté. Bref, revenons sur ton truc. Ouais, marasme. Où nous sommes au mois d'août 2015, j'ai tombé en amour avec un événement, le Heavy Montreal, festival de musique métal au parc Jean Drapeau qui avait débuté en 2008, je crois. C'est là qu'on trache dans des morts de piste, là? Ouais. Non, c'est pas là. Ça se passe au parc Jean Drapeau. Je suis tombé en amour. L'année suivante, j'y étais. C'est, donc, c'était 2016. Ouais, j'y étais. Je capotais, puis je me suis dit, je vais y aller à chaque année. C'est plusieurs bands, là, une cinquantaine. C'est à l'extérieur. Le monde est beau, le monde est le fun. Il fait beau. Puis là, ben, j'ai appris qu'en 2017, il n'y en aura pas. C'est à cause des coupeurs, j'imagine? Pas à cause de la ville de Saint-Lambert aussi? Non, le gouvernement ne leur donne plus de subventions. Non, en fait, c'est que, ben, d'après ce que j'ai lu, c'est à cause que le parc Jean Drapeau, il y a bien des Renault, il y a bien sa restructuration. Ah, ouais. Les deux autres festivals sont pas annulés. Bon, c'est plate. Ils disent qu'ils vont revenir en 2018. Ils ont déjà les dates, mais tabarnak, en 2017, pas de Heavy Montreal. Ça me fait chier. Quiz! Nos marasmes et nos orgasmes vont terminer. On se retourne vers Marc Latrémouille. Qui a un quiz? Oh, j'ai dit ça de même. Okay. Je vais vous en shooter un, là, parce que en m'en venant dans l'auto tantôt, j'écoutais, bon, bien sûr, c'était l'investiture de Donald Trump comme 45e président des États-Unis. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à une guerre nucléaire. Et dans ma tête, je me suis dit... Tu trouves ça drôle, toi? Ouais, mais pas vraiment. Dans ma tête, je me suis dit, combien de pays que l'arme nucléaire... Est-ce que vous le savez? Moi, je le sais. Combien... C'est un petit quiz comme ça que je vous dis. Il y en a 5 pays qui sont très faciles, mais après ça, il y en a d'autres qui sont plus difficiles. 45? Non, attends, beaucoup attends, moins. Attends, première question, il y a combien de pays dans le monde? Ah, ça aussi, on ne sait pas combien il y a de pays. 250. On ne sait pas? Non, on ne sait pas. Il n'y a personne qui sait combien il y a de pays dans le monde. Apparemment, la Palestine, c'est un pays ou non? Ben, le Vatican, c'est un pays ou non? Ouais. Il y en a qui revendiquent le Kosovo qui s'est séparé. Pas le Kosovo, Monaco, même. C'est un pays ou non? Ben, y a Québec, c'est un pays ou non? Bon, fait que c'est pour ça, OK. Fait que la vraie réponse, c'est autour de 200. OK. Puis là-dedans, tu veux savoir combien de pays? Ouais, puis après ça, nommez-les, si vous êtes capable. Là. Voyons, donc nommez-les. OK, bon, je vais vous dire... Attends, OK, d'abord, OK, ouais. T'as-tu une idée, toi? De combien qui ont payé l'arme nucléaire? Non, j'ai dit 45, il y a du moins que ça. Il y en a 9. Okay. Ah, ouais. Juste 9? Juste 9. Okay. Maintenant, il y en a 5 qui sont très faciles à deviner, c'est les 5 plus gros pays du monde. La Chine, la Russie, les États-Unis, oui. Israël. Ouais, mais c'est... Israël, c'était pas évident, là, mais oui, Israël en fait partie. Oui, c'est clairement évident. Israël, c'est un pays de power trip. Canada? Au max, non, Canada l'a pas. La France non plus. Oui, la France l'a. Oui? Okay. L'Angleterre. Bon, les 5 pays sur le Conseil permanent de l'ONU, ça c'est facile. Donc, c'est les États-Unis, Russie, Chine, France, Angleterre. T'as nommé Russie, ça fait 6. Il y en a, les deux autres sont assez... Israël, assez... on l'a mis là? Oui, Israël, c'est fait 6. Okay, okay. Les deux autres, c'est assez bizarre. Alors, la Corée? La Corée du Nord, exact. Ouais. 7. Les deux autres pays sont assez bizarres, comme je dis, c'est l'Inde et le Pakistan. Ah, oh, ben le Pakistan, ça me surprend pas parce qu'ils sont constamment sous les attaques américaines. Fait qu'à un moment donné, ils ont dû s'écœurer. Fait que. L'Inde, qu'est-ce que ça fout avec l'arme nucléaire? Ils l'ont développé, puis. Ça lance sont... eux-mêmes, là. À un moment donné, il faut contrôler la population. Pour contrôler l'hygiène. Mais non, mais surtout à cause que Pakistan a l'arme nucléaire. C'est pour ça que l'Inde, là. Ils sont de chaque côté. Et pas des amis, les autres? Non. Non, okay, okay. Non pas du tout. Sont 9 pays, puis il y a peut-être un 10e, mais il a comme arrêté ses recherches, c'est l'Iran. Mais peut-être qu'il continue ses recherches pour l'arme nucléaire. Donc, je dirais 9,5. Probablement que l'Iran, comme l'Irak, construit l'arme nucléaire dans des wagons qui se déplacent, là. OK, ben d'abord, c'est pas si pire. C'était mon quiz de la journée, parce que je pensais à Donald Trump. OK. Pas, moi, je vais aller vite. Je vais vous donner des citations. Je vais les lire rapidement et vous allez essayer de deviner qui les a dites. Et en même temps, on fait un petit retour historique parce que notre adage québécois, c'est « Je me souviens ». Un des adages les plus stupides que j'ai pu entendre de toute ma vie parce que la plupart des Québécois ne savent pas pantoute de quoi ils se souviennent. Donc, le premier est celui-ci. « J'accompagne mon peuple, je fais ce que Martin Luther King aurait fait, ce que Gandhi aurait fait. » On a combien de temps pour répondre? Amir Kadir. Okay. Wow! Celui-ci. Il a le droit de porter le carré rouge. On est dans la liberté d'expression. Mais nous, on sait ce que ça veut dire, le carré rouge. Ça veut dire l'intimidation, la violence. Ça veut dire aussi le fait qu'on empêche des gens d'aller étudier. Joseph Facal. Tu parlais comme Jean Tremblay. Christine comme Saint-Pierre, une libérale qui parlait... Okay, okay. Comment il s'appelle le conteux, notre conteux québécois? Fred Pellerin. Fred Pellerin avait refusé de prendre la médaille d'honneur, puis elle l'avait un petit peu invectivé. Tu parlais comme le maire de Saguenay, du Saguenay. Oui, qui est aussi con. Monsieur lui. Tremblay. Celui-ci, je la trouve très belle, malgré qu'on a décrédibilisé l'individu, je la trouve très jolie. Jamais les jeunes n'ont soufflé aussi fort sur le paysage politique québécois et j'espère que ce souffle se transformera en une bouffée d'oxygène pour un Québec malade qui en a bien besoin. On le cherche encore, cet oxygène-là. C'était le grand des deux, du trio avec les, le charmant du trio, le grand, c'était Léo Bureau-Blouin. Ah! OK. Wow, OK. Ici, j'en ai une intéressante. T'as mis des indices aussi, là. On peut pas... Ben non, mais en même temps... Pourquoi t'as dit qu'il est rendu discrédité? Pourquoi il a été discrédité depuis? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont niaisé par la suite, beaucoup plus que Martine Desjardins puis... Gabriel. Ah, à cause... Gabriel était difficile à crédibiliser parce qu'il était difficilement décrédibilisable. Mais l'autre, parce que c'est un petit cul... Oh, oui, comme un petit intello qui vient de Brébeuf, là, ouais, avec son accent. Mais même lui, en tout cas, la soirée est encore jeune, au début, je me rappelle, il taquinait un peu, puis même lui, il embarquait là-dedans. Là. Il disait, okay. Bon, faut que j'arrête de faire l'entrevue, faut que j'en fasse mon dodo. Vu sur une terrasse à Outremont, 5 étudiants avec carré rouge, mangeant, buvant de la sangria et parlant au cellulaire. La belle vie. Ça, c'est une grande Martineau. Une grande classique de 2012. Richard Martineau? Oui, Richard Martineau. Fuck all! Fuck all! Vous nous direz pas quoi faire! Fuck all! Facal. Claude Poirier qui avait pété sa coche à un moment donné à Salut Bonjour, c'était assez pathétique de le voir. J'aurais aimé ça qu'il pogne une crise cardiaque. Puis il parlait de qui, hein, vous ne direz pas quoi faire. Il parlait des jeunes qui bloquaient les ponts puis les gens qui voulaient. C'est-tu un retour nostalgique au carré? Un retour nostalgique à l'époque. Puis j'en ai deux derniers. D'ailleurs, l'inspiration du retour de 2012, ça a été le fait qu'on a vu que Jacques Villeneuve est poursuivi pour 1,7 million pour ne pas avoir payé ses impôts sur les demeures au Québec. Donc j'aimerais le citer. Pour 2012. Et une citation qui m'avait fait fondamentalement chier parce qu'il habite plus au Québec. C'est un petit Christ de fils de riche. Il habite à Monaco. Bref, une petite merde qui a osé donner son opinion de petit bourgeois sur les étudiants en disant « Je pense que ces gens, les étudiants, parlant des étudiants, ont grandi sans jamais entendre leurs parents leur dire non. » C'était probablement en plus son cas. C'est ce qu'on voit dans les rues en ce moment. Des gens qui passent leur temps à se plaindre. C'est devenu un peu ridicule. Ils ont parlé, nous avons entendu. Maintenant, c'est le temps de retourner à l'école et toi de fermer ta crise d'aïeul. C'est quand est-ce qu'ils ont demandé son opinion à lui? Non, c'est vrai. C'est dans une entrevue, une journaliste. Je pense qu'il avait donné son opinion par rapport au Grand Prix. Ouais. Ça a dû l'offusquer parce qu'on voyait pas des gros chars polluants rouler vite, là. Bref, la première journée avait été annulée parce qu'il y avait un représentant de la classe qui avait dit on va vous le préparer votre Grand Prix, quelque chose comme ça. Puis le dernier que je veux donner, c'est le plus jouissif de la gang. Je l'adore parce que je pense que c'est un sataniste. Ou il devait être sataniste. J'allais voir des fois sur sa page Facebook personnelle. Et puis il y avait souvent des symboles sataniques. Puis il tripe bien gros ses chars. C'est un maire qui s'appelle Stéphane Gendron. Ah, je l'aime. Lui, il avait dit « Les tabarnaks d'étudiants, les Chris, ça va finir dans le sang à un moment donné. Ils ne cessent de provoquer. Calice, on veut aller travailler, bande d'astis de puansales. La bastonnade, c'est pour quand? Charest doit prendre des mesures pour garantir l'accès au pont de Montréal. L'armée, la bastonnade pour les astis de morveux puansales. On prend otage des populations. L'armée, et si on ne dégage pas, on frappe. C'est pas la violence, c'est l'état de droit contre la violence et les agressions étudiantes. » Tu me niaises, il a dit ça. Ouais, ouais. Ah, petite pourriture, Saint-Christ. Il y a 30 secondes, t'as dit, je l'aime bien, lui. Ouais, mais non, mais je l'aime parce qu'il dit tout le temps des affaires que je trouve quand même assez inoffensives. Ah non, il était mais Saint-Tor. Là, je le battrais à coups de batte de maïs. Il était Saint-Tor. Donc, c'était mon petit retour 2012. Je suis très, très nostalgique de cette période où le Québec s'est enfin levé. La génération Y, qu'on dénigre beaucoup, nous a montré qu'on pouvait être debout. S'il vous plaît, faisons un deuil. Mais non, j'espère qu'on va revenir à un moment donné. Okay. Moi, c'est drôle, je vais faire un retour, moi aussi, par rapport à ça. J'écoute un balado, j'ai terminé. C'est un autre midi à la table d'à côté. Puis ça, c'est deux vedettes québécoises qui se parlent. Puis, tu sais, il n'y a pas de caméra, il y a juste un micro, mais ils sont vraiment en toute intimité. Fait qu'ils se parlent vraiment comme s'ils étaient entre amis, en privé. Puis à un moment donné, il y avait Lou Morissette puis René-Claude Brazeau, justement, qui parlait de la crise étudiante. Puis René-Claude Brazeau, elle avait dit... Elle était un peu contre, justement, parce qu'elle est tombée dans le piège de si l'étudiant, il y a le char de l'année, le téléphone de l'année, puis tel ordinateur, ben, je comprends pas pourquoi qu'il chiale. Ben, il est probablement carré vers lui, de toute façon, en partant, ce jeune étudiant-là. Les petits-fils de riches étaient probablement plus carré vert que carré rouge. Les carrés rouges, c'est ceux qui pouvaient pas se payer les études, Chris, donc ils ont sûrement pas le char de l'année. René-Claude Brazeau, c'est une fille. Moi, je sais. OK. Parce que c'est ça, Manon tombait dans le... Ils veulent pas payer un petit peu plus, mais ils ont la technologie de l'année, puis... Hein, Marc Latrémoille? Oui, non, non, c'est elle, qui, c'est elle qui a dit ça, René-Claude Brazeau. C'est elle qui a eu 6 enfants de 6 gars différents. Oui, oui, oui. Mais cultiver cette femme-là, je la trouve intéressante. Ouais, ouais, politiquement parlant, on a peut-être des divergences, mais elle est quand même intéressante. Elle est partie de loin. Je pense qu'elle était sous le bien-être social avant, puis là, finalement, elle est devenue chroniqueuse au 98 ans. Là, ça s'appelait pas le même. C'était assez cassé dans le temps le matin. Attention, Marc, c'est de la diffamation. Là, ça l'écoute, elle va te poursuivre. Oui, OK, c'est vrai. Sous Paul Arcand, puis après ça, elle commence à écrire des séries. Bon, bref. Hein, oui, c'est ça. Ouais, elle a déjà participé à des émissions de cul aussi. Ben, de cul, de sexualité. Elle a fait des films porno. De sexualité, non. Non, non, non oui, il y avait une émission à un moment donné sur la sexualité. Il y avait elle, il y avait l'animatrice, un ancien top modèle. Il y avait aussi celui qui n'a pas de cheveux, là, pas Marc Latrémouille, mais Boilard, Marc Boilard. Oui, on le voit plus, lui. Puis il y a aussi Varda, tu sais, noire, qui s'est déjà dit qu'elle a des problèmes mentaux. Là. Ouais. En tout cas, c'est une émission sur le sexe. C'est vrai qu'on en fasse un spécial sexe à un moment donné, j'aimerais bien ça. Bon, maintenant, qui dit sexe dit aussi nécrophilie. Qui dit nécrophilie dit Maccabée. C'est le temps de saluer nos Maccabées. C'est le temps de saluer nos Maccabées. Oh, hey, oui. Hey. Alors, à chaque jour, il y a des personnalités publiques qui crèvent. Bon, nous, on a décidé de leur dire merci, bravo. Au revoir. À la prochaine. Trump, il est mort. Et non, malheureusement. Alors, ce segment salue, dans les deux dernières semaines, la plus vieille et le plus jeune avoir crevé, à être mort. Et là... je veux que tu as de la misère avec tes notes. Ouais, de la misère avec mon téléphone. Ça manque de préparation. C'est tellement improvisé. C'est trop n'importe quoi. On peut faire une interlude en attendant. Je peux faire de la petite danse. Non, non, mais c'est vrai. Je suis sûr que nos auditeurs vont adorer. Non, mais c'est vrai, on respecte les morts ici. Le 14 janvier, est mort à 111 ans, Zhu Yugang, un linguiste, économiste, écrivain. il est considéré comme le créateur du Pinyin, un système de romanisation du chinois mandarin promu officiellement par la Chine. C'est quoi cette petite chronique-là? C'est qui, lui? Non, mais regarde, j'en profite pour faire un pont. Avec le sommet de la montagne sucrée sur laquelle nous sommes. C'est le sommet économique qui est à Davos en ce moment. Okay. Alors, il a dit le chinois mandarin. Ben moi, je vais parler de la mandarine. Les mandarines sont assez douces pour remplacer le sucre, ce qui fait d'elles un fruit idéal pour toutes les personnes qui veulent perdre du poids. 13,34% de glucides pour 100 grammes dans la mandarine. Moi, ça me donne mal au ventre. La mandarine? Ouais, les oranges, les clémentines, les agrumes. OK. C'est... Ah, des brûlements, tu veux dire? Non, okay. Non, j'ai okay, comme okay. Des crampes, là. OK. Maladie de Crohn, je sais pas quoi. Le plus jeune à cette heure, hey! Imaginez donc que le plus jeune à être mort, c'est encore un sportif! Oui. 44 ans, footballeur azerbaïdjanais, Feig Jabarov. Encore un sportif. Hey, faites du sport, mon œil! Moi, j'ai... Tu n'en fais pas? Fait que non, mais j'ai dit à mes enfants de ne plus faire leur cours de gym, tu sais, je veux dire... Il vient d'où avec un nom de même, Chris? Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, OK. Ouais. C'est un Azerbaïdjanais. L'ancienne République russe. Soviétique, excuse. Okay. Ah ouais, t'es sûr? OK. Ouais, l'Azerbaïdjan. OK. On ne sait pas comment il est mort, parce que je n'ai pas trouvé, mais pour faire un pont avec notre thème et notre sommet sucré... Il y a une étude menée dans 51 pays qui évalue à plus de 180 000 le nombre de décès dus à des pathologies provoquées notamment par la consommation excessive de soda et de boissons sucrées. Alors, c'est de cette façon que le monsieur est mort. Il a bu trop de Mountain Dew et d'Orange Crush au raisin. C'est un sportif? Qu'est-ce qu'il faisait? Footballeur. Footballeur, oui. Soccer. Fait que si vous faites du sport, je vous conseille fortement d'arrêter parce que depuis le début du podcast, tous ceux qui font du sport, ils meurent. Ils ont peut-être mal fait le lien. C'est peut-être le sport qui l'a tué, non pas sa consommation. Donc, arrêtez de faire du sport et continuez à consommer, on verra. Ouais. Marc Latrémouille, avais-tu quelque chose à dire? Allô? OK. Sinon... ouais. Sinon... Attends une minute, moi aussi, je vais aller chercher mes notes, là, que je okay. Dans un attendant, faites un petit peu de danse. Toi, t'avais-tu quelque chose okay. Ben, je l'ai dit. Non, écoute, je vais me lancer les deux pieds joints dans le vide. Cette semaine, j'ai pas de notes, j'ai juste des petits mots par-ci, par-là, à droite puis à gauche, puis je vais essayer de... parler. Ah ouais, un petit mot. Non, mais écoute, ouais, je sais pas si vous en souvenez. Un petit mot? Moi, ouais, il y a 8 mots là. Deux. Deux mots ou un mot? Non, deux. Le mot deux. D-E-U-X? D-E-U-X, voilà. Ou D-E-U-X? D-E-U-X, le chiffre. D-E-U-X, est-ce que c'est un mot ou deux mots? Je dirais deux. OK, à cause du D-E-U-X. Ouais. D-E-U-X, c'est un mot? Ben oui, non, c'est un déterminant. Je pensais que c'était comme un tueur en série. Pour qu'on sait qu'on tueur en série, il faut tuer au moins deux personnes. Là, il y a juste une lettre. Je me suis dit, c'est pas considéré comme un mot. Ben, c'est peut-être la... La guédille. La guédille. La guédille. D'apostrophe. La guédille qui tombe du nez. Non, il y a deux semaines, j'ai parlé qu'on avait racheté une seconde aux horloges mondiales le 31 décembre. Je ne sais pas si vous en souvenez. Tu t'es trompé. Non, non, non. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, j'ai dit que je parlerais comme si c'était un enfant de 8 ans. Ouais. J'ai décidé de parler du temps. Oh, que c'est le fun. Je sais que l'émission, c'est fou. À la radio de Radio-Canada, avec Jean-Philippe Plot et Serge Bouchard, en ont parlé du temps. Mais je trouve que eux, je les écoute plus vraiment. Là, je suis tanné de les écouter. Je pense qu'ils sont assez brouillons dans leurs propos. C'est, je peux déjà voir d'avance qu'est-ce qu'ils ont dit sur le temps. C'est genre, style, le temps, bien, c'est le temps de vivre. Ah, c'est le temps de prendre son temps. Ah, c'est le temps de prendre une relaxation. Ah, aussi également à telle hauteur. Il a parlé du temps dans un de ses romans. Ah, oh, je te jure, c'est assez brouillon. Mais bref, okay. Je parlerai pas d'eux autres. Première partie, parlons du temps sur la Terre. C'est assez long, tout ce que je vais dire. On a établi des fuseaux horaires sur la Terre un peu après avoir inventé les trains. Parce que avant, chaque ville avait sa propre heure par rapport au soleil. Tu sais, son point zénith dans le ciel, c'était midi. Puis après ça, chaque ville, par rapport à une autre, par rapport, comme par exemple, Montréal-Toronto. On a le même fuseau horaire, mais Montréal-Toronto, le soleil au zénith n'est pas en même temps. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Donc, ils avaient des heures différentes. Fait que ça devenait un peu compliqué quand les trains partaient d'une ville, arrivaient à une autre ville, puis les heures n'étaient pas pareilles. C'était vraiment mélangeant. C'est pour ça qu'on a commencé à établir des fuseaux horaires. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, sauf que les fuseaux horaires, les villes, les heures ne sont pas pareilles non plus. Oui. Ben non. Là, il est 19h10 à Montréal, il est 19h10 à Toronto en ce moment. Oui, mais c'est un peu plus loin, l'heure n'est pas pareille. Non, c'est... Ah, il... c'est dans les villes proches. Parce que si tu prends le train Montréal, je sais pas. Los Angeles, oui, je comprends. Oui, non, je comprends. Les villes proches. Oui, c'est ça. C'est ça, les villes proches. Bon, aussi, on établit les fuseaux horaires, ça, je l'ai dit. Parlons du temps également, du calendrier. Vous savez qu'on est sur le calendrier grégorien en ce moment. Avant, on avait le calendrier julien. C'est parce que Grégoire XIII, en 1582, a sauté 10 jours dans le calendrier en octobre 1582. Parce que, dans le fond, la Terre fait... une année, c'est 365 jours et quart. Puis à chaque 4 ans, on a une année bisextile parce qu'on rajoute le 29 février. Eh bien, c'est pas exactement 365.25. C'est 365.25,23, etc., etc. Fait qu'au cours des années, ça s'accumule ça. Puis on prend du retard par rapport aux saisons. Donc, c'est pour ça qu'en 1582, Grégoire a voulu rétablir les dates. Et le calendrier qui était au début de... Un calendrier julien, établi par Jules César. OK. En Angleterre, on n'a pas accepté ça tout de suite. C'est en 1752 qu'on a décidé d'accepter le calendrier grégorien. Donc, puis en plus, à cette époque-là, l'Angleterre, elle, c'était le 1er mars, sa nouvelle année, et non le 1er janvier. C'est pour ça qu'il y a des... Il y a eu, par exemple, dans les naissances, comme George Washington, il y a comme une anomalie dans sa date de naissance. On ne sait pas s'il est vraiment né un 11 février ou un 21 février, s'il est né en 1731 ou en 1732, à cause de ce... Calendrier qu'on mélange. C'est intéressant, si tu fais avec tes pieds, Marc. Non, je t'écoute, mais ça va. Si vous voulez un peu savoir toute cette histoire-là, je vais sauter des bouts là, parce que je sens que je commence à m'endormir quand je vais m'écouter. Allez voir une vidéo qui s'appelle « How Earth Moves ». C'est de canal vidéo sur YouTube de Vsauce. Ça, je vais vous l'appeler V-S-A-U-S. V-S-A-U-C-E. V-Sauce. C'est un petit intello avec des lunettes puis une barbe. Puis c'est vraiment intéressant parce que tu le vois en trois dimensions, la Terre se déplacer dans son salon. Puis tu le vois par rapport au soleil, par rapport aux zéniths, puis par rapport à comment ça se fait qu'au mois de janvier, le soleil passe plus vite dans le ciel qu'au mois de juillet, par exemple. Ben, je vais vous le dire, OK? Ben ouais. Non, mais je pensais qu'on passerait à un autre sujet. Ben, la raison, c'est parce que la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est pas un cercle parfait. C'est plus une elliptique. Ouais. Et puis, également, en janvier, on est plus proche du Soleil qu'en juillet. Donc, quand on est proche du Soleil, la Terre se déplace plus rapidement. Oui. La Terre se déplace plus rapidement vu qu'on est plus proche du Soleil. Puis après ça, quand on est plus loin du Soleil, la Terre, dans l'espace, se déplace plus lentement. C'est tout simplement à cause de ça. Mais allez voir cette vidéo-là, How Earth Moves. C'est visuellement, vous allez tout de suite comprendre. Puis en plus, il parle de plusieurs autres choses. Pas juste du Soleil. Il parle du calendrier. Il parle aussi comment la galaxie se déplace par rapport à une autre galaxie. C'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a un risque d'accident un jour? Accident, à quel sens? Ben, tu sais, parce que la Terre, elle tourne. La Lune tourne autour de la Terre. Il y a du mouvement, là. Il y a, tu sais, à un moment donné, quand il y a du mouvement, il peut y avoir... un fuck, là, il peut avoir c'est vrai que quelque chose qui glisse, chose qui pong. Je sais qu'il y a une couple d'années, il y a 2 ans à peu près, il y a des scientifiques qui ont déterminé dans les planètes, comment elles se déplacent en ce moment dans l'espace. Si tu parles de Jupiter et Saturne, ils ne seront pas dans la même position. Saturne va être en avant de Jupiter, puis peut-être dans un milliard d'années, là, la Terre n'existera peut-être plus à ce moment-là parce que le Soleil va avoir pris une expansion qui va être aussi grosse que l'orbite de la Terre, donc on va avoir complètement disparu sur la Terre. Je vais arrêter de parler, je m'endors. Là. Dans 2 semaines, en m'écoutant, je m'endors. Réveillez-vous à maison. Mais une autre chose qui pourrait arriver, c'est qu'il y a aussi dans certains pays des immenses cercles souterrains qui font plusieurs kilomètres de diamètre et puis qui vont frapper des atomes ensemble pour essayer de faire des fissions nucléaires, des expériences avec des atomes. Puis un de ces résultats-là, il teste pour toutes sortes de résultats, mais un des résultats qui pourrait... Une des résultantes de cette fusion, de cette fission atomique-là, c'est la création spontanée, malheureusement non voulue, d'un trou noir. Donc, on ne désire pas que les scientifiques créent un trou noir par accident, parce que le jour qu'ils vont le faire, je ne sais pas s'ils vont réussir à le contenir facilement, un trou noir. Je ne sais pas comment on fait pour contenir un trou noir, mais un trou noir gros comme une balle de golf peut absorber la planète Terre assez rapidement. Donc, disons que la fin du monde peut être pour dans la prochaine seconde. Ça, c'est en Suisse, le collisionneur qui est en Suisse, là. En dessous de la Suisse et la France, là, qui fait à peu près une vingtaine de kilomètres. Ouais, c'est ça. Bang! Vas-y, Christian, on va arrêter. Ben, t'es sûr? Ouais. Bon, peut-être tu continueras après. Ça s'accroche un trou noir. On a tous un trou noir. Ouais. D'ailleurs, Christian, ça t'arrive-tu des fois quand tu te torches de sentir ton papier de toilette? Non, ça m'est jamais arrivé. J'ai eu la curiosité de sentir, voir si l'odeur que tu... non? Parlant de sentir, depuis une semaine, je vous dis, depuis tantôt, j'étais vraiment malade la semaine passée. On dirait que j'ai toujours pas retrouvé mon odorat. Ah ouais? Okay. On dirait que mes narines sont complètement blurulées à cause de cette bibitte que j'ai encore à l'intérieur de moi. Sinus rince. Ça veut dire que tu goûtes rien non plus? Pas beaucoup, non. C'est fou. Puis en plus, je sens juste une affaire. On dirait que c'est cette bibitte-là que je sens. Ah ouais. Cette maudite muqueuse, là, dégueulasse. Essaye ça, le sinus rince. Ah, 6 mois, il y en avait là-dedans. Hey, j'ai une bonne surprise. On va jouer un petit jeu. Hey! Mais c'est ça, je vais faire de mon segment la merde et le bijou. Je l'ai changé un petit peu. Donc, la merde et le bijou, c'est, comme vous le savez, j'écoute beaucoup de films, moi. Et là, les 2 dernières semaines, ben c'est ça. Quelle a été la merde et quel a été le bijou? J'étais en feu en plus de ça. Puis là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que... Je ne vais pas vraiment faire la critique des films. Vous allez les faire, les critiques, même si vous n'avez pas vu les films. Tu parles des auditeurs, là. Non, des deux marques. Okay. Alors, vous allez chacun avoir 1 minute pour me parler d'un film que vous n'avez pas vu. je vais vous dire, genre, simplement le synopsis, la note que j'y ai donnée. Et vous avez une minute pour me parler de ce film-là. Fait qu'on va commencer par Marc Latrémouille, parce que je suis sûr et certain que tu n'as pas vu la merde suivante, qui est Phantasm 4, 1998. Ça parle de quoi, ça? J'ai donné 3,5 sur 10. Et le synopsis, le voici. En voyageant à travers le temps et les dimensions, Mike recherche à découvrir les origines du croque-mort. Alors, Monsieur Latrémouille, vous avez 1 minute pour nous parler de ce film. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce film? Go! Ben, je trouvais que les effets spéciaux ont très mal vieilli. Tu sais, en 95, puis voyager dans le temps, tu sais, on n'a toujours pas trouvé comment voyager dans le temps. Fait que le scénario était vraiment pas fort en plus, là. Trouver les origines du croque-mort. Je veux dire, c'est ce que le monde capitaliste a commencé, là. Je veux dire, essayer de s'enrichir à l'état pur, ça, sur la mortalité, puis sur les familles qui sont complètement dépourvues, qui savent pas quoi faire. C'est qui jouait le croque-mort? C'était Richard Barrow. qui était retrouvé en 1857, justement, quand ils ont voyagé dans le temps. Puis ils ont demandé, comment ça se fait que vous avez commencé, justement, ces origines du croque-mort? Ça fait une minute, là? Il reste 15 secondes. Il reste 15 secondes. Non, moi, je suis tombé pendant 15 secondes. Finalement, t'as pas aimé le film parce que 300 secondes, en gros... Toi, t'as mis un 3.5 sur 10. Ouais. Moi, je mettrais un 3.1 sur 10. Ouais. Bon, ben, ça fait que tu déconseilles. Tout à fait. Okay. OK. Alors, le bijou, ben, merci beaucoup. Puis là, finalement, c'est ça, à la fin du jeu, ben, je vais dire lequel se rapproche plus du vrai film. Ah, moi, je fais le bijou? Ouais. Ça fait chier, j'aurais aimé ça faire la merde. J'aime ça, la merde. Non, ouais, mais ça cause Phantasm 4, tu l'as vu. Tu l'as-tu vu, le Phantasm 4? Mais non, non, mais tu savais c'est quoi. Tu vas faire le bijou, c'est un film que t'as pas vu. C'est Race with the Devil, 1975. J'ai mis 7.4 sur 10. Alors, le synopsis. Deux amis, Frank et Roger, partent en vacances avec leur épouse à bord d'un camping-car flambant neuf. Lors d'une halte, ils sont témoins d'une cérémonie satanique. Ils alertent les autorités locales, mais personne ne les prend au sérieux. Ils se sentent pourtant de plus en plus menacés. T'as une minute pour parler du film. Moi, j'aime ça, les films psychotroniques, là, où il y a toutes sortes de couleurs, il y a du pot, là, puis ça se passe dans des déserts. Puis en plus de ça, là-dedans, les noirs, ils ont comme des cheveux vraiment trop cool à regarder, là, avec leur espèce de ping-pong là-dedans. C'est type Black Panther! Puis en plus de ça, tu sais, il y a les chicks, puis les chicks, dans ce temps-là, ils se rasaient pas en dessous des bras, puis ils se rasaient pas ils se rasaient pas la moumoute. Fait que là, tu sais, c'est comme, moi, je trouve ça trippant à regarder. Les grosses motos graisseuses, les hommes sont virils, ils ont le poil qui sort du chest. Tout l'aspect caractériel des personnages m'a vraiment fasciné esthétiquement parlant. C'est un trip que j'aime beaucoup. Puis aussi l'aspect musical aussi. Là, les guitares, là, genre, qui, on dirait qu'ils sont pas bien accordés. Puis le drummer, il filme en drummer en même temps. C'est une musique vraiment tripante dans tous les sens du mot. Des acteurs connus, pas connus? Des acteurs, je dirais... pas Jane Fonda là-dedans, c'est-il, là. Mais en même temps, j'étais pas à jeu quand je l'ai vu, fait que ça m'a mis encore plus dans l'immersion du style de film. Une histoire complètement tordue, ça s'en va dans toutes sortes de sens. Là, fait que tu le conseilles? Je le conseille pour les gens qui aiment le poil. Ben, merci beaucoup. Fait que je dirais que c'est mon frère, Marc Jodoin, qui s'est un peu plus rapproché du film, parce que Marc Latrémoille, j'ai pas compris grand-chose. T'es pas le seul, moi, non plus. On est encore rentré dans la politique. Tu parles de politique? T'es pas pour le politique, hein, je sais pas. Il a dit qu'elle allait se moucher, c'est-tu? Okay. Fait 1-0, Marc Jodoin. Bon, pendant que tu regardes tes notes, Christian, j'ai le goût de parler de quelque chose. Ça m'a fait penser à quelque chose, justement. J'ai plus de notes. OK. J'ai le goût de parler un petit peu de Game of Thrones pour juste dire que les amateurs de tout ça, je suppose que vous l'êtes, amateurs de Game of Thrones, oui. Trône de fer. Oui, oui. Tous les ans, ça sort toujours autour du 15 mars, sauf cette année, la 7e saison sur HBO va sortir plus au mois de juin. OK. Ouais, ils ont commencé en retard. Puis, c'est pas la dernière saison, non? Non, il va y en avoir 8 saisons. Ah. Moi, j'ai pas vu la 5e. Fait que... Ah, t'es rendu là? Ouais. OK. Moi, j'ai eu des hauts et des bas en regardant ces saisons-là, mais je vais tout de suite te dire, ma meilleure saison, peut-être parce que c'est la dernière que j'ai regardée, là, c'est la saison 6, d'après moi, est incroyable. Là. Justement, à un moment donné, ben, je t'en dirai pas plus. La saison 6 a coûté 100 millions de dollars à faire. Donc, une moyenne de 10 millions de dollars par épisode. Donc, il y en a une, c'est l'avant-dernière, la 9e, qui s'appelle La bataille des deux bâtards. Elle a vraiment coûté très, très, très cher parce que c'est des batailles vraiment inusitées, quelque chose qu'on n'a vraiment pas vu. À un moment donné, je te dirais pas qui, il y a un gars qui tombe, puis il y a du monde qui pile dessus, puis la caméra, le point de vue de caméra, c'était le monde qui pile dessus, puis je me sentais étouffé, puis je me sentais vraiment dans les combats. C'était vraiment bien. Bref, tout ça pour revenir sur Game of Thrones, ça va sortir en juin, puis au lieu d'avoir 10 épisodes, comme il y a tous les ans, on parle de 7 épisodes. Donc, ça va vraiment beaucoup plus condensé, Pour la 7e, puis la 8e. La 8e, on ne sait pas encore. Okay. Pour la 7e, on pense qu'il va y avoir des spin-offs en plus, hein, sur les... Ben oui. C'est quasiment certain qu'il va y avoir des spin-offs, surtout qu'est-ce qui s'est passé avant. Aussi, Même pendant, parce que ma blonde, elle les a lus, les Games of Thrones, on a regardé jusqu'à la saison 5, Puis on a décroché, ben surtout elle, parce qu'elle, elle a dit, ils ont juste retenu la violence puis le sexe dans les téléséries, alors que les livres sont beaucoup plus profonds. Il y a beaucoup plus d'essence dans les livres. Puis il y a beaucoup de divergences aussi dans les téléséries qui ont pris par rapport aux livres. Sauf la première saison, c'est quasiment intégral. Mais, mais à partir de là, ça commençait à dévier des livres. Vous avez arrêté à saison 5? Oui. Vous avez arrêté. Ah, tu vas continuer? Ou... Ben, je vais peut-être continuer à cause de ce qu'il dit. Les piétinements, j'aime ça, les piétinements. Okay. Je vais peut-être regarder la saison 6. Regarde la saison 6, elle est incroyable. Puis c'est... ça m'a vraiment rentré dedans. Là. Bref. La 4 était excellente aussi, là, en tout cas. Je m'en souviens plus. Mais c'est là-dedans, en tout cas, que le petit nain, il tue son père. Son père, ouais. Ouais. Okay. Là, c'est à la bolle. Bref, ça, mais, excusez, on a toujours pas vu les annonces, mais on pense qu'on va passer des annonces pendant la série. Il y a une série en ce moment sur HBO qui s'appelle The Young Pope, que j'ai commencé à regarder. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est le jeune pape qui est joué par Jude Law, un pape américain de 47 ans. Et c'est vraiment... Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais j'ai entendu des bonnes critiques parce que ça passait en Europe avant de passer ici en Amérique du Nord. Et la première image... C'est vraiment très théâtral, une mise en scène théâtrale. Puis là, j'ai trippé. La première image, c'est, c'est au Vatican. Il y a un tas de bébés, des milliers de bébés, un père de sourds. Puis le pape qui sort dans tout ce tas-là, bon, tu t'imagines qu'il rêve. Puis là, après ça, il se promène, il s'en va vers le balcon faire son premier discours face au peuple. Mais avant de passer devant les fenêtres puis de faire son discours, mais il passe devant tous les cardinaux. Puis quand je dis c'est théâtral, c'est tous les cardinaux regardent le pape passer, regardent à droite, sauf qu'il y en a peut-être trois qui regardent à gauche, qui regardent pas le pape. Puis ça a une signification incroyable déjà. Visuellement, on comprend tout. Puis c'est vraiment bien. C'est très cynique. Un drame, okay, un drame. C'est non, c'est pas. C'est assez cynique. Y a-t-il de l'humour noir? Oui. Okay. Énormément. Il rêve de son premier discours qu'il n'est pas capable de faire, qu'il ne sait pas quoi faire. Puis dans son rêve, à un moment donné, il dit « Je rêve un jour où tous les prêtres vont se marier, où l'homosexualité va être légalisée, où pourquoi pas marier deux prêtres ensemble. » C'est vraiment très, très bien fait. Ça, c'est un punch qu'il m'a donné à la fin de le premier épisode qui dit à celui qui se confesse. Il se confesse toujours à un prêtre qui prend le confessionnal des cardinaux qui sont là à l'intérieur du Vatican. Puis il dit « Je ne crois pas en Dieu ». Puis là, le confesseur, il dit « Quoi? Quoi? » Il capote. Là, il le regarde finalement. Il voit qu'il est en train de capoter. Il dit « Non, non, c'est une farce. Okay. » Mais là, tu vois dans son visage que... Il était sincère. Ouais, il était sincère. Ouais. Mais c'est excellent. Quand ça va passer en français, regardez ça. C'est vraiment très bien fait. C'est british, ça? C'est italien. Ah. En plus, et avec Jude Law, je l'aime bien, cet acteur-là. Et c'est très bien fait parce qu'on dirait vraiment qu'ils sont à l'intérieur du Vatican. Ah, il y a une autre image aussi très théâtrale. À un moment donné, tu vois trois cardinaux se promener dans les jardins du Vatican. Il y en a un qui fume, puis il prend sa pompe d'asthme. Puis les cardinaux marchent très, très, très lentement. Puis tu vois trois tortues marcher à côté d'eux autres. Vraiment marcher très lentement. Visuellement, c'est assez ironique que ce soit italien en plus de ça. Ouais. C'est vraiment une critique très virulente du Vatican. Ben, mais tu sais, je dis c'est italien parce que le réalisateur est italien. Mais c'est coproduit par les États-Unis, l'Angleterre. C'est vraiment très, très bon. Ah, ça m'intéresse, ça. Ouais. The Young Pope, le jeune pape. Très intéressant. Est-ce que c'est ainsi que ça se termine? Peut-être. On va laisser... Ben, c'est ça, ben, comme d'habitude, avant de vous quitter puis de vous laisser à ce monde pourri, ben... on va vous dire une bonne nouvelle. Hein? On Google « bonne nouvelle dans l'actualité ». Et qu'est-ce que ça donne, M. Latrémouille? Ben, c'est la bonne nouvelle de la journée. C'est bonne nouvelle pour les Clooney. Amal Clooney, qui a réussi à épouser le célibataire le plus endurci d'Hollywood en septembre 2014, a-t-elle réussi à convaincre George Clooney que la paternité lui irait à ravir? C'est la rumeur qui court qu'elle serait enceinte. Papa Clooney! Oh, ben, tabarnouche! Je suis bande encore. Moi, pour ça, aujourd'hui, j'ai pas bandé. Bon, OK! J'étais en crise. Ça aurait pu être mon marasme, mais on l'a pas fait. OK, merci.